Saint-Père. C'est Oli. O-L-I. La Bibli des petits. Je suis pas petit, je suis grand. Bonjour, je suis Véronique Ovaldé et je vais vous raconter l'histoire d'Annabella, la petite fille qui avait peur des chiens et du vent dans les arbres. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Annabella. Elle vivait avec son père, sa mère et leurs deux chiens, Rufus et Brutus. Rufus et Brutus n'étaient pas des chiens très sympathiques. Sans doute parce que le père d'Annabella n'aimait pas que les chiens soient sympathiques. Aucun des deux chiens ne jouait avec la petite fille. Ils étaient seulement là pour garder la maison. Ils étaient attachés dans la cour et ils aboyaient très fort et ils tiraient sur leur chaîne dès qu'un cycliste passait. Je ne sais pas pourquoi, mais il détestait les cyclistes. Peut-être que le père d'Annabella les avait dressés pour qu'ils gardent la maison contre des cambrioleurs cyclistes ou des terroristes cyclistes ou des étrangers cyclistes. Parce que le père d'Annabella n'aimait pas beaucoup les étrangers non plus. Pourtant, lui aussi, il avait été plus ou moins étranger. Ses propres parents, les grands-parents d'Annabella, étaient tous les deux nés en Italie. Et ses 5 frères et sœurs, les oncles et les tantes d'Annabella, étaient eux aussi tous nés en Italie. Seul le père d'Annabella était né en France. Il était le dernier. Il était né après que toute la famille s'était installée dans cette petite ville de banlieue parisienne. Le père d'Annabella avait l'air de considérer qu'il y avait plusieurs sortes d'étrangers. Ce n'était pas clair pour la petite fille, mais elle avait appris à ne pas poser trop de questions. Parce qu'en plus de sa haine des cyclistes étrangers, le père d'Annabella n'aimait pas que les petites filles posent trop de questions. Ce n'était pas très drôle, me direz-vous, comme genre de vie pour une petite fille. Et vous avez raison. Mais, me demanderez-vous, que faisait donc la maman d'Annabella pendant ce temps? Eh bien, elle préparait de la gelée de groseilles, de la confiture de prunes et des conserves de haricots. Et quand ce n'était plus la saison des groseilles, des prunes et des haricots, elle tricotait. Entre parenthèses, elle tricotait des pulls assez moches qu'Annabella devait porter pour aller à l'école. Et franchement, ça non plus, c'était pas drôle. Les mains de la mère d'Annabella jamais n'arrêtaient de travailler. Prune, haricot, groseille, tricot. Prune, haricot, groseille, tricot. Groseille, tricot. Groseille, tricot. Annabella n'avait pas vraiment envie de devenir une dame qui s'occupe de sa maison, de ses tricots, et qui ne dit jamais rien à son mari qui puisse l'énerver parce qu'il est du genre à s'énerver très vite. Ce qu'Annabella voulait faire dans la vie, c'était être journaliste ou agente secrète. Elle y pensait souvent. Elle se voyait parcourir le monde et être une femme merveilleusement flamboyante. En attendant, quand elle n'était pas à l'école, Annabella s'ennuyait gentiment dans sa chambre. Elle ne voulait pas sortir, à cause des deux chiens bien sûr, mais aussi parce qu'elle trouvait que rester dans sa chambre à observer par la fenêtre Rufus et Brutus était une activité sans le moindre risque. Et puis elle n'était pas très à l'aise avec les autres enfants. Elle préférait rester toute seule, bien tranquille, à rêvasser. Les deux chiens étaient grands, noirs, costauds, tout en muscles et en crocs. Ils étaient terrifiants, même quand ils dormaient. Et ils dormaient une grande partie du temps. Ils secouaient leurs pattes dans leur sommeil parce qu'ils devaient rêver qu'ils pourchassaient des lièvres, se disait Annabella. Ils étaient là, allongés sur le sol de la courette, à côté du portail du jardin. Ils galopaient dans leurs rêves et Annabella voyait même parfois leurs yeux rouler sous leurs paupières pas tout à fait fermées. Ces chiens-là rêvaient beaucoup. Il faut dire qu'être attaché à une chaîne toute la journée en espérant qu'un cycliste passe pour lui aboyer dessus, ce n'est pas non plus une vie passionnante. Annabella, depuis la fenêtre de sa chambre, leur jetait des petits cailloux sur le nez. Elle ne visait pas toujours très bien, mais elle s'améliorait. Au début, les deux chiens devaient imaginer que c'était un gros insecte qui les importunait. Ils tressaillaient dans leur sommeil, bougeaient leurs oreilles pointues, puis ils finissaient par s'agacer. Ils sautaient sur leurs pattes, ils aboyaient et ils tiraient sur leur chaîne en cherchant qui les importunait. Je ne sais pas bien pourquoi Annabella faisait ça. Elle s'ennuyait beaucoup. Elle n'aimait pas sortir et elle n'aimait pas les chiens de son père. Et puis un jour, un mercredi de juin, sa maman l'a appelée. « Annabella, Annabella !» criait sa mère depuis la cuisine où toujours elle restait. Annabella est descendue voir de quoi il retournait. « Prends ce grand bol et va me cueillir des framboises au fond du jardin. Je n'ai plus ni haricots, ni groseilles, ni prunes, ni tricots pour m'occuper les mains. » Annabella était une petite fille obéissante. Mais vraiment, aller au fond du jardin, ce n'était pas tentant. Il fallait passer par le portail qui était à côté de la niche de Rufus et Brutus. Elle est sortie prudemment dans la courette. L'air était frais. Annabella ne sortait pas souvent, comme je vous le disais tout à l'heure. Quand elle allait à l'école, son père l'emmenait en voiture et il venait la rechercher en voiture. Il ne voulait pas qu'elle traîne dans la rue, c'est comme ça qu'il disait. Et puis à l'école, elle n'allait pas dans la cour de récréation. Elle trouvait les enfants bruyants et la cour était un endroit plein de courant d'air. Elle préférait rester dans la classe à ranger les livres de la bibliothèque par format et par couleur. Quand elle s'est approchée des deux chiens allongés, ils ont levé la tête. Ils ont grondé. Mais pourquoi donc grondaient-ils ? Peut-être parce qu'ils ne la connaissaient pas bien, vu que jamais elle n'allait dans le jardin. Elle s'est dit qu'ils devaient sentir l'odeur de sa peur. Alors, pour cesser d'avoir peur, ou pour l'oublier, ou pour ne pas leur montrer, elle leur a parlé. Elle a dit qu'elle était désolée de leur lancer de petits cailloux sur la truffe, que leur vie ne devait pas être folichonne à tirer sur leur chaîne. Elle a dit qu'elle aussi s'ennuyait beaucoup et que le temps était long avant de devenir journaliste ou agente secrète. Les chiens se sont levés. Ils avaient un air bizarre, soupçonneux, je dirais. Et ils se sont approchés de la petite fille. Elle a continué de parler, immobile. Elle ne pouvait pas faire un pas. Le portail du jardin était encore si loin. Elle leur a dit qu'ils étaient beaux. Qu'elle n'avait jamais remarqué combien ils étaient beaux, trop occupée qu'elle était à avoir peur d'eux. Et c'était vrai. Ce n'était pas un compliment en l'air. Ils étaient très beaux, avec de grands yeux tristes. Ils sont arrivés tout près d'elle, mais la chaîne les empêchait de l'approcher plus. Alors Annabella a fait un pas vers eux, et ils l'ont touchée du bout de leur truffe. Et elle les a caressés. Elle s'est accroupie et elle les a caressés. Ce fut magique. Après cela, elle est allée au fond du jardin et elle n'a pas trouvé les framboisiers. Elle est revenue sur ses pas. Les chiens ont gémi doucement quand elle est passée près d'eux et ils ont remué la queue. Elle est rentrée dans la maison et elle a dit à sa mère qu'il n'y avait pas de framboisiers. Et sa mère a répondu « Je sais ». Et elle lui a souri, avec un sourire malicieux, comme Annabella ne lui avait jamais vu. Un sourire qui disait « N'aie plus peur, ma princesse ». N'aie plus peur des chiens, des cyclistes, des enfants et du vent dans les arbres. Et c'est ainsi qu'Annabella apprit d'un coup que les choses, les personnes et les mamans étaient rarement ce qu'elles avaient l'air d'être. Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, au lit. Non, une autre.